Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 4 août aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos de la publication de la décision du département d'État américain sur l'arrêt de voyage des citoyens américains en Corée. Il note: le 2 courant, le département d'État américain a publié la décision sur l'arrêt de voyage des citoyens américains en Corée. Notre République encourage les échanges et va-et-vient variés, y compris la visite dans notre pays de tous les peuples du monde, sans égard à la politique du gouvernement de chaque pays vis-à-vis de la Corée. Notre régime étatique et social est le plus stable dans le monde, et donc il n'y a pas de source de la menace de sécurité pour les étrangers. Tous les visiteurs, y compris bon nombre d'Américains, le reconnaissent à l'unanimité. Quant à quelques citoyens américains qui ont commis des actes hostiles contre notre pays à l'instigation des forces malsaines de l'intérieur de leur pays, nous leur avons infligé des peines requises selon la loi de notre République. Aucun pays ne laissera en paix des étrangers qui ont commis de tels crimes dans son territoire. Traiter les criminels selon la loi est l'exercice du droit d'un État souverain. Pourtant, l'administration américaine a mis en cause ce droit légitime de l'État souverain et pris la mesure enfantine d'arrêter les voyages de ses citoyens en Corée. Sa démarche a pour but de porter atteinte au prestige de notre République et de limiter les échanges humains pour empêcher les citoyens américains de constater eux-mêmes la réalité coréenne qui remporte victoire sur victoire sous la bannière de la ligne consistant à développer parallèlement l'économie nationale et les forces nucléaires, et de la défaite américaine dans la politique d'hostilité envers la Corée. C'est aussi le reflet du point de vue de l'administration américaine qui nous considère comme ennemis. C'est le temps pour l'administration Trump de reprendre conscience et de décider l'abandon de sa politique d'hostilité contre la Corée. La porte est toujours ouverte à tous les Américains qui veulent visiter notre pays pour voir de leurs propres yeux notre réalité à la bonne foi.